Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107FM. Aujourd'hui, toujours une nouvelle d'Edgar Keret, parue aux éditions Actes Sud, sous le titre de « Au pays des mensonges ». Elle est peut-être un petit peu plus sérieuse que les autres nouvelles. Je crois que je vais commencer à vous la lire. Choisis une couleur. Un noir s'en va habiter dans la rue des Blancs. Il avait une maison noire avec un balcon noir où tous les matins il buvait du café noir. Jusqu'à une nuit noire où ses voisins blancs rentrèrent chez lui et le tabassèrent à mort. À mort n'est pas le mot, ils le mirent en pièces. Il resta étendu dans une flaque de sang noir, plié comme une poignée d'un parapluie. Et ils continuèrent tout de même à le frapper, jusqu'au moment où l'un d'eux commença à crier qu'il fallait arrêter, parce que si l'homme leur claquait entre les doigts, ils risquaient de se retrouver en prison. L'homme noir ne leur claqua pas entre les doigts. Une ambulance arriva et l'emmena loin, loin, dans un hôpital enchanté, au sommet d'un volcan éteint. L'hôpital était blanc. Son portail était blanc, les murs des chambres et la literie étaient blancs aussi. L'homme noir commença à guérir et à tomber amoureux d'une infirmière blanche, en tenue blanche, qui le soigna avec un dévouement et une générosité extrême. Elle aussi l'aimait. Et chaque jour qui passait, cet amour se renforçait, tout comme l'homme. Un amour qui apprit à se lever du lit et à ramper, comme un bébé ou un petit enfant, ou un homme noir qui aurait été tabassé. Ils se marièrent dans une église jaune. Ce fut un prêtre jaune qui les maria. Ses parents jaunes étaient arrivés dans ce pays sur un bateau jaune. Eux aussi avaient été tabassés par leur voisin blanc, mais il n'en parla pas à l'homme noir. Il le connaissait à peine et le mariage n'était pas le bon moment pour en parler. Le prêtre jaune s'apprêtait à leur dire que Dieu les aimait et leur souhaitait tout le bien possible. Il n'avait pas la certitude de ces choses-là, bien que souvent il essayât de s'en convaincre. Que Dieu nous aimait tous et ne nous souhaitait que du bien. Mais ce jour-là, en mariant cet homme noir, âgé de 30 ans à peine et déjà en morceaux, balafré et en chaise roulante, il avait encore plus de mal à croire. « Dieu vous aime », finit-il tout de même par dire. « Dieu vous aime et vous souhaite tout le bien possible. » Et il eut honte. L'homme noir et la femme blanche vivaient heureux ensemble, jusqu'au jour où, alors qu'elle revenait de l'épicerie, un homme brun, avec un couteau brun, frappa la femme blanche dans la cage d'escalier et exigea d'elle tout ce qu'elle avait. Quand il rentra chez lui, l'homme noir la trouva morte. Il ne comprit pas pourquoi l'homme brun l'avait poignardée. Il aurait pu lui prendre tout son argent et s'enfuir. L'enterrement eut lieu dans l'église jaune du prêtre jaune. En le voyant, l'homme noir le saisit par sa soutane jaune et lui dit « Mais vous l'aviez dit, vous aviez dit que Dieu nous aimait. S'il nous aime, pourquoi nous fait-il tout ça ?» Le prêtre jaune avait une réponse toute prête, une réponse qu'on lui avait enseignée quand il était encore au séminaire. Il y était question des voies impénétrables du Seigneur. Et maintenant que la femme était morte, elle était sûrement plus proche de lui. Mais au lieu de sortir cette réponse, le prêtre se mit à blasphémer. Il adressa des injures terribles à Dieu, des injures humiliantes et blessantes, inouïes jusqu'à ce jour. Des injures telles que même Dieu en fut offensé. Dieu entra dans l'église par la rampe des infirmes. Lui aussi était en chaise roulante. Lui aussi avait un jour perdu quelqu'une. Il était argenté. Dieu, non pas argenté clinquant comme les BMW des zonards, mais argenté mat, discret. Un jour où il planait avec son amoureuse argentée parmi les étoiles argentées, des dieux dorés les avaient attaqués. Quand ils étaient encore enfants, Dieu avait tapé l'un d'eux, un dieu doré, petit et trapu, qui avait grandi et était revenu avec ses amis. Les dieux dorés l'avaient frappé avec des gourdins solaires dorés et ne s'étaient arrêtés qu'après avoir brisé chaque os de son corps divin. Il avait mis des années à guérir. Son amoureuse ne s'en était pas sortie. Elle végétait. Elle voyait et entendait tout, mais ne pouvait rien dire. Le dieu argenté décida de créer pour elle une race à son image, afin qu'elle puisse la regarder et passer ainsi le temps. C'était une race qui lui ressemblait vraiment, qui frappait et était victime exactement comme lui. Et son amoureuse argentée, les yeux écarquillés, fixait pendant des heures sa propre race, sans même verser une larme. « Qu'est-ce que tu crois ?» dit avec dépit le dieu argenté au prêtre jaune. « Tu crois que je vous ai créé ainsi pour mon bon plaisir, parce que je suis un pervers, un sadique ou un salaud qui tire du plaisir de toute cette souffrance ? Je vous ai créé ainsi parce que c'est ce que je sais faire et c'est le mieux que je puisse faire. » Le prêtre jaune tomba à genoux et demanda pardon. Si un dieu plus fort était venu, il aurait continué à blasphémer, fût-ce au prix des flammes de l'enfer. Mais le dieu argenté et infirme avait éveillé en lui des regrets et du chagrin, et il voulait vraiment se faire pardonner. L'homme noir ne tomba pas à genoux. Il ne pouvait plus faire ces choses-là avec ses membres inférieurs paralysés. Assis dans sa chaise roulante, il ne pouvait qu'imaginer une déesse argentée quelque part dans les cieux, en train de le regarder les yeux écarquillés. Il éprouva le sentiment d'une mission et même de l'espoir, et sans qu'il pût se l'expliquer, à l'idée de souffrir exactement comme un dieu, il se sentit béni. Bien. Bien, est-ce une possibilité d'avoir un petit peu moins de rancœur sur tout ça ? Bien, je n'en sais rien, c'en est une. Je vais vous la laisser pour toute cette semaine avec Serge Gainsbourg, couleur café, tout ça pour vous remonter le moral. Allez, à tout bientôt. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. L'amour sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé.